Bonjour à tous, aujourd'hui 16e podcast Football Rat spécial Coupe du Monde que l'on fera avec Baptiste et Eddy que vous allez découvrir très bientôt dès que j'aurai fini cette petite présentation. Donc on a décidé de faire un podcast un peu particulier parce qu'on va vous présenter notre équipe type en fait à la veille des demi-finales, mais ça peut être des joueurs qui sont pas plus en course dans cette Coupe du Monde, ça peut être des joueurs même qui sont même pas sortis des poules mais bon qui nous ont impressionnés et qui ont mérité leur place au vu de leur performance dans l'équipe type qu'on va tenter de confectionner justement dans ce podcast. Nous vous donnerons aussi les 5 joueurs, chacun à tour de rôle, qui nous ont le plus marqué, le plus impressionné et peut-être donc qu'on n'attendait pas. Et les 5 aussi losers, c'est-à-dire ceux qu'on attendait et ceux qui nous ont malgré tout extraordinairement déçus par leur niveau de jeu lors de cette Coupe du Monde. Bon alors Baptiste est comme d'habitude à mes côtés. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Eddy, salut à tous. Et aujourd'hui notre intervenant qui vient d'ailleurs pour la première fois dans ce podcast, c'est Eddy. Ou Eddy Pierre, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais bon, il est sur Twitter, @AeddyPierre, et il tient un blog, dpydypy.wordpress.com, un blog notamment axé sur le foot. Salut Eddy, et donc bienvenue pour ta première dans ce podcast. Bonjour Albertine, bonjour Baptiste, et bonjour à tout le monde. Très très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, on va commencer donc, comme je l'ai dit, par chacun donner peut-être les 5 joueurs qui vous ont surpris, étonné, que vous attendiez pas pendant cette Coupe du Monde. Ça peut peut-être pas être forcément des joueurs connus, c'est surtout peut-être des joueurs que vous avez pu découvrir durant cette Coupe du Monde qui se joue en Afrique. On pense notamment peut-être à des joueurs venus d'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud qui a été quand même beaucoup représentée durant cette Coupe du Monde et qui a très bien joué sa chance, notamment face aux pays européens. Ça peut être aussi des pays, par exemple, des joueurs venus du Japon, le Japon qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Baptiste, on peut commencer par là, alors tes 5 joueurs qui t'ont le plus impressionné pour l'instant dans cette Coupe du Monde. D'abord, Javier Hernandez, le attaquant mexicain, qui est déjà acheté par Manchester, donc qui va devenir un grand d'Europe d'ici peu. Contrao, qui est l'arrière-gauche portugais. Gervinho avec la Côte d'Ivoire, qui prend une dimension internationale, je pense. Ozil avec la sélection allemande, malgré des performances inégales. Et Juan avec Juan avec le Brésil. Alors concernant Gervinho Baptiste, donc, qui est l'attaquant du LOSC, comme on le sait bien, qui a réalisé une très bonne saison. Alors est-ce que tu ne penses pas que sa très bonne forme, c'est un peu une confirmation pour lui cette Coupe du Monde, ne soit pas aussi due au fait qu'il n'y ait eu un moins bon Drogba pendant cette Coupe du Monde peut-être, et donc il a été notamment absent au premier match, ou pas titulaire d'entrée, enfin bref, qu'il a plus eu sa chance, etc. Et ça peut notamment beaucoup jouer dans la progression de ce joueur. Il a pu prendre sa place, mais je pense que c'est la suite logique d'une saison déjà, d'une très belle saison avec le LOSC. Et nous, on a l'occasion de le découvrir chaque week-end, et on sait qu'il est en progrès constant et que c'est quelqu'un qui est assez adroit. Et son nom à consonance brésilienne est, à mon avis, pas anodin, parce que on a tout de suite, quand il était jeune, on a tout de suite vu qu'il avait un côté technique assez important. Donc, pour moi, c'est juste une confirmation. On connaît désormais les 5 joueurs qui ont surpris agréablement Baptiste. Donc, on va demander à Eddy de nous donner sa liste donc, de ces 5 joueurs. Oui, alors juste un mot sur Gervinho. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Vraiment, c'est entre guillemets, bon, une découverte à la Coupe du Monde, mais plutôt une révélation. Parce que c'est vrai qu'on l'avait vu avec le LOSC faire vraiment une bonne saison. Moi, j'ai dans mes joueurs, j'en ai trouvé un, qui est Llorente, qui joue à l'Athletic Bilbao. Donc, qui joue pour l'Espagne, et je pense que ça peut être un bon atout pour l'Espagne face à l'Allemagne, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu contre le Portugal, il a changé les matchs, parce que c'est peu après son entrée en jeu, il est rentré à la 59e, je crois, et le but est intervenu peu après, qu'avec son profil, il a pu faire basculer le match. Son profil, c'est quoi ? Il est grand, il fait 1m94 quand même, donc il est quand même très très grand, il est mobile, dos au but, il fait du très bon boulot, c'est un bon point d'appui. Et puis, c'est vrai que je pense que ce type de profil peut convenir à l'Espagne si jamais le jeu technique et de passe ne fonctionne pas face à la défense allemande. Je pense que ça peut être une solution. Surtout qu'il prend les ballons de la tête, ce que Torres peut faire mais n'arrive pas à faire en ce moment. Est-ce que Villa est presque incapable? Donc, c'est un bon atout pour jouer de la tête. Quatre autres joueurs. Alors après, ils sont relativement connus. Hein. Bon, il y a Villa, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, hein, qui est absolument monstrueux cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il était moins connu, enfin, Valence comme un grand club, mais qui a pas la portée médiatique en France ou en Europe du Barça ou du Real. Et c'est vrai que il est impressionnant, quoi. C'est vraiment un des tout meilleurs attaquants du monde. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en équipe d'Espagne, là, il prend ses marques, en fait, avec Xavi et tout ça, tranquillement, pour la saison prochaine. Donc, je pense que le Barça va encore faire une grande saison derrière parce que Villa est tout simplement exceptionnel. Et il en plus, il a été vendu pour sauver le club, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a Cuyt, que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas le plus technique, le plus élégant des joueurs à avoir joué, mais quel bosseur, quoi. C'est incroyable. J'ai lu qu'il a fait 48 km depuis le début de la compétition. Il a C'est couru énorme. 48 km. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est vraiment, c'est le genre d'attaquant que j'aime bien parce qu'il se replie. Il rechigne pas comme Robben. Je sais pas. J'aime bien Robben, mais Robben, dès qu'il se prend un tacle ou quelque chose, il passe 15 ans à râler, tandis que Cuyt, il se relève, il va se replacer. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Sinon, j'ai Gian, donc à savoir Gian, le Rennais. Non, c'est vraiment dommage pour son péno, hein, qui l'ait raté. Mais quand même, il a eu le courage d'aller frapper lors de la séance de tir au but. C'est vraiment satisfaisant. Il y a déjà 4 ans, il était là. Hein. Il avait marqué le premier but contre la Russie tchèque. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mon avis, par contre, il va pas rester très très longtemps à Rennes, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde lui a apporté beaucoup, et je pense que des offres, malgré la frilosité des acteurs, devraient quand même se préciser pour lui, quoi. Ça, c'est Et pour sûr. terminer, c'est Landon Donovan que j'avais déjà découvert à la Coupe des Confédérations l'année dernière, et c'est vrai que c'est un leader, quoi. Mais j'ai été étonné en voyant qu'il avait que 28 ans. Finalement, il n'est pas, je pensais, plus âgé que ça. Et c'est vrai qu'il a fait une bonne saison avec Everton, enfin une moitié de saison avec Everton, d'ailleurs, qui ont fait une très bonne deuxième moitié de saison. Voilà, ce bonhomme, il a du cœur, il a du talent, il a de la technique, contrairement peut-être à certains de ses coéquipiers. Et puis, le scénario hollywoodien, le sauveur contre l'Algérie, la qualification, tout ça, je trouve que. Non, non, c'est vraiment, vraiment, pas forcément une surprise, mais vraiment une bonne confirmation de ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc c'était une belle récompense pour lui, effectivement, ce but face à l'Algérie. C'est un des symboles de la montée en puissance dans le monde du football des États-Unis. Donc je suis absolument d'accord avec toi sur le point de Donovan. Moi aussi, ça faisait partie de ma liste des 5 qui m'avaient impressionné. Après moi, on en parlera dans l'équipe tic, mais j'ai été quand même assez surprise par Thiago, parce que Thiago, on a quand même moins la possibilité de le suivre depuis qu'il a quitté Lyon pour la Juventus. J'avais pas l'impression qu'il était un titulaire indiscutable à la Juventus. Et là, pourtant, notamment face à la Corée du Nord, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un match extraordinaire. Il signe un doublé d'ailleurs, il me semble. Autrement, Oui, contre la Corée, ouais. dans les autres joueurs qui m'ont impressionné, j'ai bien aimé l'attaquant du Chili, Beau Séjour. Je m'en souviens parce qu'il a un nom assez particulier, mais voilà, c'était un des joueurs des pays qu'on connaissait peu en fait avant la Coupe du Monde et qui m'a surprise positivement. Au niveau du Japon, parce que pour moi c'est une des équipes asiatiques qui a le plus impressionné durant cette Coupe du Monde. J'ai adoré Honda, qui a notamment marqué lors du premier match du Japon. Honda, on le rappelle, qui joue milieu, je crois, il me semble, dans son club. Et attaquant de pointe en sélection. Donc, voilà, pour moi, c'était un joueur qui a plutôt un profil intéressant, notamment au fait qu'il soit polyvalent et qu'il puisse jouer à deux postes différents en sélection et en club. Et autrement, voilà, le gardien des Pays-Bas. Parce qu'on sait qu'aux Pays-Bas, il y a un fort héritage quand même avec Edwin van der Sar, le grand Edwin de Manchester. Et là, donc, celui qui s'appelle Stekelenburg. Stekelenburg, là. Et eh ben, j'ai trouvé qu'il avait l'air assez confiant et je l'ai trouvé bien dans ses prises de balle, etc. Donc pour moi, c'était une bonne surprise. 1, 2, 3, ça me fait 3 joueurs. 4, 5, ouais. Voilà. Donc, on va rappeler chacun vite fait ses 5 joueurs. Donc, je rappelle les moins directement. Donc Donovan, Thiago, Beau Séjour, Skeletenburg et Honda. Javier Hernandez, Contrao, Gervinho, Ozil et Juan. Moi, Villa, Cuyt, Llorente, Gian et Donovan. On peut passer maintenant à la fabrication d'une équipe type. Donc on est à la veille des demi-finales. La première demi se jouera demain, donc entre l'Uruguay et les Pays-Bas. On va donc essayer de faire une équipe type. Comme je l'ai déjà dit au début du podcast, il peut très bien y avoir dans cette équipe des joueurs qui ne sont plus en course dans la compétition et dont les équipes ont déjà été éliminées, comme des joueurs qui vont jouer un quart de finale, une demi-finale pardon, demain ou après-demain. Donc, au poste de gardien, par exemple, Baptiste, tu mettrais qui, toi ? Moi, j'ai mis Stekelenburg. Je suis à peu près d'accord. Eddy, ça te va ? Oui, je suis d'accord, sauf que moi, j'ai mis Eduardo, le gardien du Portugal, parce que c'est qu'on n'a pas vu longtemps. Pas trop longtemps, mais quand même, il n'avait pas été contre le Brésil notamment. Bon, ok, il est sauvé par son poteau, mais quand même, je trouve que ça a été plutôt une bonne surprise quoi, de le voir à ce niveau-là. J'ai hésité avec Anyama aussi, le gardien nigérian, que j'ai trouvé pas mal du tout. Mais Eduardo, quand même, a été sauvé. C'est vrai que c'est pas franchement la Coupe du Monde des gardiens cette année, quoi, par contre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre Stekelenburg en gardien et on dit que Eduardo est son premier remplaçant. Ouais. D'accord. Alors, Stekelenburg en gardien. Donc, Stekelenburg qui est le gardien international de l'équipe des Pays-Bas. Je pense qu'il n'y a pas trop de, comment dire, pas d'opposition, mais de négociation possible sur ce point. Arrière droit, incroyable depuis le début de la Coupe du Monde. Assez fantastique depuis qu'il est sous le maillot allemand. Et d'ailleurs, très bon et très bon capitaine, etc. Quand il est aussi sous le maillot du Bayern. Philippe Lahm est le joueur vraiment indiscutable à ce poste. Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'avais pensé à Maicon aussi, c'est vrai que Maicon, on pourrait le mettre sur le banc, mais c'est vrai que là, c'est une Coupe du Monde exceptionnelle. Et puis le Capitana aussi, je pense que ça lui a apporté beaucoup. Et vraiment, ce qu'il fait déjà au Bayern depuis quelques années, et puis plus ce qu'il fait pour la Mannschaft. Ah non, c'est vraiment, vraiment bravo Philippe, quoi. Vraiment un super joueur, quoi. Il y a 4 ans, Lahm était un nouveau, et 4 ans plus tard, il est... un cadre, donc la progression est géniale et la carrière est déjà vraiment bien remplie. Ouais, Lahm qui a d'ailleurs joué avec le Bayern cette année une finale malheureusement perdue de Ligue des Champions. Au niveau des défenseurs centrales, j'aurais opté pour une paire entre Juan ou Juan, je sais pas trop ouais. Comment ça se prononce, parce que je sais que sur TF1 des fois ils prononcent même Rouen. Donc c'est un peu compliqué. Normalement c'est Juan en brésilien. Ouais, c'est Juan, je sais pas. J'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé que c'était un des rares du Brésil à être assez constant en fait dans ses performances. Et après moi, c'est vrai que j'aurais mis le grand Rafael Marquez qui est d'une influence assez incroyable sur le jeu du Mexique, notamment durant cette Coupe du Monde. Qui auriez-vous vu, vous, en défense centrale? Moi j'aurais vu Bruno Alves. Parce que Rafael Marquez m'a pas marqué avec le Mexique. Bon, moi, j'ai hésité un peu entre Frédéric et Matthijs Sten, des Pays-Bas. Et bon, finalement, je suis désolé de mettre Frédéric, mais c'est vrai qui fait une couleur satisfaisante, qui avait marqué contre l'Argentine. Mais c'est vrai qu'il était en balance avec Matthijs Sten. Je pense que si Matthijs Sten avait joué le dernier match des Pays-Bas, je pense que je l'aurais mis dans 11 parce que bon, il est blessé, mais aux dernières infos, il devrait être ok pour demain soir. Bon, mais il va falloir quand même qu'on se décide pour le deuxième défenseur central auprès de Juan, pardon. Oui. Plutôt donc. Bon, il y a les gens, il n'y a pas de problème. Après, moi je dis voilà, moi je propose Friedrich, toi tu proposes Marquez, Bertin, ouais. Et Bruno Alves. Et Baptiste Bruno Alves. Donc on a Friedrich. Parce que je sais que Friedrich a quand même 31 ans. Et on a déjà Lahm aussi dans la défense de l'équipe type. Bruno Alves à quel âge, Baptiste ? Alors, Eddy et Bruno Alves à 28 ans, si mes souvenirs sont bons. 28 ans. Mais Marquez aussi, Marquez aussi, il accuse les années. Hein. C'est tous des défenseurs. Marquez, il a dépassé la trentaine, et il joue quasiment plus au Barça. Non, c'est vrai qu'il a été bon, mais il a été aussi replacé en milieu, il me semble, avec le mec ici. Non, sinon, quand même, j'ai quand même un petit coup de cœur pour Matthijs Sten, qu'on ne connaît pas forcément bien, mais bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, un arrière central qui dégage vraiment. Même chez les Espagnols, soit Piqué ou Puyol, on a vu Puyol en difficulté sur le dernier match. C'est que les défenses sont pas, les axes centraux sont pas exceptionnels pendant cette Coupe du Monde. Bon, on a carré Bruno Alves, ça fera plaisir à Baptiste et on a qu'à dire qu'on fait la loi du plus jeune. Et on met Friedrich donc et Marquez en remplaçant. Alors, c'est un poste qui m'a plutôt causé du souci dans mon équipe type, le défenseur gauche. Alors, notre Patrice Evra nous a fait une Coupe du Monde absolument extraordinaire. Mais autrement, je vois pas trop de joueurs à ce poste qui se soient démarqués en fait. Contrao. Contrao, donc tu mettrais encore toi deux défenseurs du Portugal? Contrao a été la révélation au poste derrière gauche de cette compétition. Je regarde C'est vrai qu'il a eu. Il est capable. Offensivement, surtout. Ouais. Pardon. Ouais, et puis Offensivement, surtout, il a remporté. Ouais. Je suis assez d'accord. Il avait Ronaldo devant lui, donc le côté gauche était vraiment bon contre l'Espagne. D'accord pour Contrao. Moi j'ai mis Capdevila, mais à bien réfléchir, c'est vrai qu'en repensant au match du Portugal, non, c'est vrai que Contrao a été vraiment pas mal, quoi. Vraiment offensivement, vraiment très intéressant comme joueur. Moi, j'aime bien aussi Jérôme Boateng, là, le frère du joueur qui joue aussi au Ghana. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant aussi face à l'Argentine. Mais bon, on peut le mettre en remplaçant, en plus, vu qu'il est très jeune. Il fait aussi partie de la génération Il a dit allemande oui, c'est vrai qu'il est jeune. en devenir. Il est jeune, hein, il est jeune encore. Donc. Voilà. Je confirme, mais Boateng, c'est une bonne idée. Donc, notre défense, ça ferait Lame, Juan, Bruno Alves, c'est Contrao. Donc après avoir confectionné notre défense type, on peut donc s'attaquer au milieu. Donc déjà, Eddy et Baptiste, qu'est-ce que vous verriez comme schéma tactique? Plutôt un 4-3-3, un 4-4-2, histoire qu'on sache déjà plutôt quels joueurs peuvent correspondre à ce schéma. Moi, j'ai pris un 4-4-2 avec un milieu aux anges. Non, pour moi, ce serait un 4-4-2, mais un peu différent avec un milieu à plat. Enfin, je mettrais une sentinelle devant la défense. Après, je mettrai un milieu à 3 et puis après deux pointes devant, quoi. Mais bon, on a qu'à d'abord faire l'inventaire des joueurs qui mériteraient donc leur place dans ces quatre milieux. Je pense que Schweinsteiger Ouais, bon, et là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion, c'est voilà. sûr et certain, quoi. Schweinsteiger a fait vraiment une Coupe du Monde vraiment terrible. Enfin, ce qu'il a fait avec le Bayern, pareil. Enfin, non, vraiment, là-dessus. Mais lui Alors, aussi, c'est bon, c'est Schweinsteiger, c'est comme bon. Lahm. C'est des joueurs qui étaient déjà là en 2006, qui devenaient de plus en plus importants en 2006 et donc qui maintenant sont presque à un top niveau international et qui permettent donc à cette équipe d'Allemagne de bien fonctionner, notamment en aidant sûrement les jeunes dû à leur expérience internationale. Ah, bien sûr. Ah, puis c'est vrai, quand on pense que c'était un attaquant à la base, quoi, repositionné comme ça, c'est qu'on ne s'attendait pas franchement à ce que ça marche. Mais non, c'est vraiment très très très costaud, quoi. J'ai envie de voir ça contre l'Espagne, quoi, vraiment. J'ai envie de voir ça. Baptiste, quel autre milieu tu vois dans cette équipe type? Schweinsteiger en milieu récupérateur, ça je pense que c'est indéniable. Après, il y a Ayew qui était très bon, et Jisung Park avec la Corée du Sud, et Ozil qui fait partie aussi des grandes révélations. Mais Ozil, je l'ai trouvé assez inconstant en fait, parce que j'avais été très impressionnée, c'est vrai, face à l'Australie, mais face à l'Argentine, je l'ai trouvé tout de suite très fatigué. Alors peut-être qu'il a accusé le coup, etc., et qu'il a un poste qui demande quand même pas mal de physique, où il faut savoir s'imposer, mais je ne sais pas si je le mettrais dans cette équipe type. Qu'est-ce que t'en penses, Eddy? Non, moi, Özil, quand même, j'ai mis. Hein. Mmh. Özil, je l'ai quand même mis en milieu offensif parce que c'est vrai qu'il est inconstant, mais voilà, quoi, c'est le genre de bonhomme qui peut te faire basculer un match, quoi. Et quand on pense à l'âge qu'il a, je crois qu'il a 21 ans, c'est tout Ouais. simplement hallucinant d'avoir un joueur comme ça, qui a quand même une certaine maturité, parce que pour faire ce qu'il fait, il faut quand même une certaine maturité, mais je trouve qu'il a sa place, même s'il est un peu inconstant. Quand tu fais démarrer et puis tu le changes au bout de 70 minutes, 60-70 minutes, si tu vois comment il est programmé. Mais non, moi je pense qu'il a vraiment, vraiment sa place en poste titulaire dans l'équipe, sans souci. Parce que dans ce poste, quand même, il y en a un qu'il ne faut pas oublier, qui est très important depuis le début de la compétition pour son équipe, c'est Forlan. Donc le buteur vedette uruguayen qui joue à peu près au même poste qu'Ozil, parce que Ozil joue en soutien de Klose, tandis que Forlan, lui, doit distribuer des ballons à Suarez et Cavani. Et Cavani, ouais. Donc. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est la prime à la jeunesse aussi, quoi. C'est vrai que Özil est en devenir. Et moi, c'est pour ça que j'ai mis dans l'équipe. Parce que c'est vrai que c'est, oui, c'est sûr, Forlan est vachement, est très, très bon, mais il commence. Il a quand même déjà gagné des titres, etc. Mais c'est vrai que Özil, je pense que pour la jeunesse, c'est une bonne idée de. Enfin, pour moi, c'est une bonne idée de le mettre dans l'équipe. Sûrement plus compliqué, mais qui mettriez-vous en milieu offensif gauche, en milieu offensif droit? Moi, je mettrais Iniesta à gauche, parce qu'Iniesta, c'est pas l'un de mes joueurs préférés, finalement. J'ai encore revu ce qu'il a fait contre le Paraguay, là, sur le but de Villa. Oui, Iniesta à gauche et puis Thiago à droite. Mathis, t'es d'accord avec ça? Parce que toi, j'ai l'impression que Thiago, t'as pas totalement convaincu durant cette Coupe du Monde. Pas du tout. Thiago, c'est non. Bon, pour moi, il a rien fait de spécial. Non, moi, j'ai mis Ayou et Jisung Park. Ah, vous n'êtes pas du tout d'accord. Faudrait essayer de faire un mix des deux alors. Parce que si tu veux pas Thiago, Eddy, non, mais c'est vrai que Iniesta est super bon, hein, ça c'est sûr. Iniesta, moi, je trouve que c'est le seul qui peut-être est un peu mieux que les autres Espagnols, parce que moi j'ai toujours pas été convaincu par cette équipe, mais c'est vrai qu'Iniesta c'est peut-être celui qui me déçoit le moins, on peut dire ça comme ça. Il est vraiment important dans le système de jeu d'Espagne. Je pense pas qu'Iniesta. Après Thiago, bon, d'accord, mais. Oui, mais c'est vrai que on peut mettre Ayou, comme ça nous fait on peut mettre un Ayou, africain. Ouais. Je pense que c'est dommage, c'est franchement dommage qu'il ait été suspendu contre j'ai un trou de mémoire. L'Uruguay. Contre l'Uruguay, merci. Bon, je pense que c'est vraiment dommage qu'il soit suspendu parce que c'est vrai qu'il a apporté pas mal de choses quand même. Mais comme ça représente le continent africain quand même et c'est significatif. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas encore un seul africain dans le 11. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas d'Américain dans le 11 non plus. Pour l'instant, on a fait des. Ah, bah si, on a Juan, donc. Qui est jouant en défense centrale, mais bon. Alors après, donc, deux pointes, 4-4-2. Je pense que là, Villa a sa place, non? Oui, non, oui, pas de souci, là, 100%. Même le mettre tout seul, le bonhomme, il n'y a pas de problème d'aventure, il a sa place. Vraiment, ça, c'est potentiel, quoi. Le ratio but de sélection qu'il a, c'est extraordinaire, là, il va sûrement battre le record de Raoul. Ouais, donc Villa va peut-être battre, donc, comme tu as dit, le record de but de Raoul en sélection espagnole, tandis que Klose aussi, d'un autre côté, le joueur du Bayern, j'en profite pour le dire, hein, mais va peut-être battre aussi le record de buts de Ronaldo en Coupe du Monde. Mais bon, c'est vrai que Klose, il pourrait faire peut-être un petit peu vieux pour cette équipe type. Ouais, mais pour l'histoire, franchement. Pour l'histoire, parce que déjà qu'il a égalé Gerd Müller, déjà, c'est quand même pas rien. Et donc, Klose, enfin, je veux dire, c'est une belle revanche après la saison, pas en de le dire, la saison pourrie qu'il a eu au Bayern. Faire une Coupe du Monde comme ça, sans Podolski, hein, qui est de Cologne, a rien fait de l'année, et puis qui se retrouve en Coupe du Monde, et fonctionne bien. Donc ouais, je pense que si on part sur deux pointes, moi je mettrais Klose, évidemment. Mathis, tu ne t'opposes pas? Parce que je crois que tu avais envie de mettre Gian aussi, toi. Ou Gian. Moi j'ai mis Gian, Peut-être qu'on peut prendre Klose, parce que... C'est vrai qu'il a été. Je trouve que. Voilà, comme tu le disais, parce que moi je suis d'assez près le Bayern, comme vous commencez tous à le savoir, mais Klose, il n'était donc pas titulaire cette année. On lui a préféré d'autres joueurs comme Gomez. J'ai toujours pas compris ça non plus, parce que Gomez, c'est un des joueurs que je déteste le plus au monde qui puisse jouer au Bayern. En plus, je crois qu'en plus, excuse-moi, mais je crois qu'ils ont été chercher un truc comme 30 millions, je peux dire, quoi, il y a 2 ans, 1 an ou 2. Ouais, non, je ne veux pas le supporter. À chaque fois qu'il entre sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est complètement nonchalant et qu'il marche. C'est un peu le Berbatov allemand, quoi. Voilà, hein, je n'aime pas, mais bon. Et donc, voilà. Et pourtant, dans la Coupe du Monde, en sélection allemande, j'ai l'impression que malgré une saison moyenne, il est dans son élément, il s'éclate, etc. Donc, ouais, moi, je le verrais bien dans cette équipe. Et on peut mettre donc en remplaçant Adjane, mais peut-être prendre Plante Klose, comme tu disais, Eddy, peut-être pour l'histoire. Et surtout parce que son parcours est mieux pour l'instant que celui de Adjane, qui s'est arrêté en quart de finale. Baptiste, ça te dérange pas? Non. D'accord. Bon, alors, pour récapituler notre équipe type, ça donnerait donc un 4-4-2 avec une sorte de milieu en losange. Donc, en récapitulant vite fait notre équipe type au poste de gardien Skeletbourg, le gardien des Pays-Bas, une défense composée de Lam, indiscutable côté droit, une défense centrale avec Juan, Juan et Bruno Alves, et un dernier portugais sur le côté gauche, Coentrão. En milieu, donc un milieu en losange, comme j'ai dit, avec Schweinsteiger à la récupération. Iniesta et Ayou, le très bon Ghanéen, sur les ailes. Et donc le tout jeune Mesut Özil, de 21 ans, en soutien de Villa et Klose, deux très grands buteurs pour l'instant de ce mondial. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le podcast prend fin. Alors, merci beaucoup à Eddy qui dit sa première interruption dans ce podcast. Donc Eddy, dp.wordpress.com, merci. Ouais, très bien. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Bonne continuation, vraiment, vraiment pour ton boulot, votre boulot, c'est vraiment super, vraiment bien, bien ce que vous faites, donc que des jeunes comme vous fassent ça, moi je trouve ça top, donc bon courage pour la suite. Baptiste, à demain pour un nouveau podcast, si tout va bien, normalement peut-être qu'on fera un avant-match de Pays-Bas Uruguay ou même qu'on enchaînera sur les résultats de ce match-là, donc à demain. À demain. Merci à tous d'avoir écouté le podcast et à demain. On le rappelle, aujourd'hui, c'était le 16e du nom. À bientôt.